franceinter.fr. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'incendie du collège Payron le 6 février 1973. De la grande bâtisse de la Sorbonne aux imposants lycées napoléoniens, de l'école caserne à la petite cour de campagne jusqu'aux constructions en béton moderne, l'institution scolaire s'élabore une présence physique sur le territoire. À partir de 1881 et tout au long de la Troisième République, elle est devenue l'un des piliers du pacte républicain. C'est aussi à ce moment-là que s'est instauré le pacte de confiance entre l'école et les citoyens. Depuis les lois Ferry, chaque matin, des millions de Français confient leurs enfants à l'école de la République, sanctuaire du savoir, école de la vie. Alors, quand le 6 février 1973, l'incendie du collège Édouard Payron à Paris provoque la mort de 16 enfants et 4 adultes, l'émotion est nationale. Ce soir-là, au-delà de l'effroi et de la tristesse, c'est comme si le pacte fondateur avait été rompu, l'inconcevable avait eu lieu. On peut donc mourir au cœur même de l'école de la République. Et à la stupeur succède immédiatement la colère, celle des familles de victimes, celle des associations parents d'élèves, celle de l'opposition politique. Quelle est donc la responsabilité du gouvernement bâtisseur de ces collèges si fragiles qu'ils s'écroulent en à peine 20 minutes ? Si les coupables de cet incendie sont rapidement trouvés, le combat des familles des victimes va durer plusieurs années. À force d'abnégation, elles parviendront à mener une partie des responsables devant la justice. Pour la première fois, de hauts fonctionnaires sont jugés et condamnés pour des faits relevant de leurs fonctions. L'histoire du collège Payron ne pouvait rester un fait divers dramatique, il allait faire jurisprudence jusqu'à aujourd'hui. En seconde partie d'émission, nous recevons Sybille Vincent-Dombe, journaliste à Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Elle est spécialiste des questions d'architecture et d'urbanisme. Affaires sensibles, une émission de France Inter, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production Léa Dupouy-Henquin, Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Stéphane Ronxin, à la technique aujourd'hui Sacha Tropp. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, 33 rue Édouard Payron, dans le 19e arrondissement. Ce 6 février 1973, au deuxième et troisième étage du collège d'enseignement secondaire qui porte le nom de cette rue, les horloges affichent 19h45. Depuis un quart d'heure, la séance du ciné-club s'est terminée et la centaine de participants est partie. Dans l'établissement, il ne reste donc plus que les 52 élèves du conservatoire de musique et leurs professeurs, des apprentis musiciens venus de l'extérieur, qui depuis peu donnent des cours dans ce collège. Les salles de la mairie étant devenues trop exiguës, on autorise l'utilisation des salles de l'établissement scolaire. Sauf qu'à 19h45, ce 6 février 1973, de la fumée commence à emplir les couloirs de l'établissement. En quelques minutes, de grandes flammes montent dans les étages. La panique gagne les salles de classe. Les professeurs tentent de maintenir le calme, mais 4 minutes plus tard, l'électricité se coupe. C'est donc, plongé dans le noir, prisonnier des flammes, que professeurs et élèves tentent de se sauver. Ils sortent des salles de classe, cherchent à descendre par les escaliers, mais à chaque fois, ils sont bloqués par une épaisse fumée noire et des brasiers. L'air devient de plus en plus irrespirable. L'un des maîtres tente de guider son groupe dans le bâtiment en feu. Il brise une vitre avec une chaise et fait sortir un à un les enfants. Puis, il décide de rentrer de nouveau dans le bâtiment pour porter secours aux autres personnes. Il ne reviendra jamais. À l'extérieur du collège Payron, dès que les premières flammes surgissent, la concierge du collège appelle la directrice qui prévient les pompiers. La concierge se précipite ensuite dans les couloirs pour prévenir le professeur et les élèves. Avant même l'arrivée des secours, des riverains munis d'échelles aident les collégiens prisonniers des flammes. Les pompiers, eux, arrivent 7 minutes après l'appel. À 20h02, deux grandes échelles sont dressées et les sapeurs commencent à s'attaquer à l'incendie qui, en quelques minutes à peine, s'est étendu à tout l'établissement. À 20h22, 20 minutes seulement après les premières flammes, tout s'effondre. Les trois quarts du collège Payron s'écroulent comme un château de cartes. Il ne reste plus qu'un seul pan de mur. Il faudra encore une demi-heure aux pompiers pour maîtriser le feu. À peine sortis, certains élèves rescapés sont interviewés par les journalistes, comme cette jeune fille. Ben, on est sorti dans un couloir, et au bout de ce couloir, il y avait un feu, il y avait une fumée très noire, très épaisse, tout le monde suffoquait, c'était la grosse panique. Et là, enfin, au milieu du couloir, d'abord, la lumière s'est complètement éteinte. On a rebroussé chemin, le professeur nous a guidés un peu, on était dans un couloir, mais il y avait aussi un brasier, et après, on est allé dans notre salle où on était au début, et enfin, il y avait une très grosse fumée, on a ouvert les fenêtres, mais la fumée venait de la droite, c'est qu'on avait plein de fumée dans le visage, enfin, on suffoquait carrément. On était dans une salle un peu plus loin, je vais parler, il y avait un coin quoi, où il y avait un peu d'air, mais tout de suite, un brasier s'est déclaré derrière, c'est qu'on est revenu dans la salle de musique, et à ce moment-là, on ne pouvait plus, ça fait qu'on a cassé les carreaux avec des chaises, et on a crié, bon, puis les sauveteurs sont venus. Autour du collège Payron, la situation est apocalyptique. L'image de cet imposant bâtiment pulvérisé en quelques minutes sous les yeux abasourdis des habitants du quartier marque les esprits. Les parents des élèves arrivent, ils viennent chercher leur enfant, ils découvrent un énorme incendie. La panique, les cris, les appels, tout s'entremêle. Les premières informations se veulent rassurantes, il n'y aurait pas de victimes. Pourtant, à 22h, le lieutenant Vigier s'avance devant les journalistes, le visage grave. C'est alors que la vérité éclate. Annoncé à l'instant présent, c'est que malheureusement, nous venons de découvrir une quinzaine de victimes. Ce sont des enfants. Et étant donné l'état des corps et la situation dans laquelle j'ai pu les voir moi-même, on peut croire qu'ils étaient au dernier étage, puisqu'ils se trouvent au-dessus des décombres de la partie effondrée du bâtiment. Quelques minutes plus tôt, le feu enfin éteint, les pompiers peuvent s'avancer au milieu des ruines fumantes du collège Payron. Sous les décombres, ils découvrent les corps des victimes. Brûlés, il est impossible de les identifier. La seule certitude, c'est qu'il s'agit en majorité d'enfants. Pour les familles, c'est bien sûr l'incertitude et l'angoisse, première douleur. Des informations commencent alors à sortir, et d'heure en heure, le bilan s'alourdit. On parle de 10, puis de 15 victimes. Dans la mairie du 19e arrondissement, on met en place un poste de crise. On établit les premières listes. On apprend que certains enfants ont été emmenés à l'hôpital. On en découvre d'autres. Dans le parc des Buttes-Chaumont, situé à quelques mètres du collège, transi, choqué. Pour certains parents, il faudra attendre l'aube pour retrouver leur enfant ou apprendre qu'ils font partie des victimes. Alors que policiers et pompiers commencent à sortir des cercueils du collège de Payron en ruine, le ministre de l'Éducation, Joseph Fontanet, arrive. Il promet la mise en place d'une enquête. Le lendemain matin, à la première heure, c'est le commandant en chef des pompiers, le général Ferroge, qui prend la parole. Chaque incendie est un cas particulier. Dans ce cas particulier du CES, il y a effectivement eu propagation rapide. Il y a eu effondrement assez rapide de la construction, tout au moins des deux tiers, des trois quarts de la construction. Mais le fait donc que le bâtiment se soit effondré très vite vous a gêné dans l'attaque de l'intérieur. Une fois que le bâtiment s'est effondré, c'est terminé. On ne peut plus y mettre les pieds, il n'y a plus qu'à éteindre. Est-ce qu'en général, les bâtiments s'effondrent aussi vite? Heureusement pas. Donc c'est exceptionnel. Disons que c'est un peu particulier, mais je ne vous me ferai pas dire ce que je ne veux pas dire. C'est-à-dire que les matériaux sont en cause? Je n'ai pas d'avis et je ne donnerai pas d'avis sur la construction et sur la nature des matériaux utilisés. Le 7 février 1973, c'est une France sous le choc qui se réveille. Le bilan des victimes se confirme. 16 enfants âgés de 5 à 13 ans et 4 adultes, 3 professeurs et la concierge, sont morts dans l'incendie du collège Payron. 20 personnes ont donc perdu la vie dans un établissement scolaire, une enceinte de la République. Par l'intermédiaire de Jean-Yves Leca, le porte-parole du gouvernement, le président Georges Pompidou et le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas expriment leur émotion et promettent que toute la lumière sera faite sur cette tragédie. Tout s'est passé très vite. Chez les témoins, les rescapés, les pompiers, le constat est unanime, oui, tout est allé très vite. Trop vite, se dit-on. Deux questions sont alors sur toutes les lèvres. Comment s'est déclenché le feu, mais surtout, pourquoi les flammes se sont-elles développées si rapidement et pourquoi l'enceinte de 4 étages accueillant 900 élèves s'est-elle écroulée en 20 minutes? Des rumeurs commencent à circuler. Un témoin aurait entendu une explosion. Il n'en faut pas plus pour qu'on évoque un possible attentat. Un autre parle d'une odeur de gaz. Plus sérieusement, les journalistes et les familles des victimes retiennent les premières déclarations des pompiers qui parlent des matériaux composant la structure du collège. Ils font remarquer leur caractère fortement inflammable. Les premiers doutes et les premières questions sur la construction et l'état du collège Payron arrivent. Le hasard fait que deux jours après le drame, le 8 février, le ministre de l'Éducation, Joseph Fontanet, doit tenir une conférence de presse sur la politique scolaire. Inévitablement, le rendez-vous est largement consacré à l'incendie du collège Payron. Le ministre annonce l'ouverture de deux enquêtes, une administrative et une judiciaire. La première, pour vérifier s'il y a eu des manquements au niveau de la construction. La seconde, pour savoir ce qui a provoqué cet incendie. Par sa voix, les premières explications des autorités publiques se mettent en place. Élèves et professeurs ne connaissent pas les lieux puisqu'ils viennent du conservatoire. Cela a pu rendre difficile l'évacuation. Un début d'explication qui ne satisfait guère les familles. Or, ce même 8 février, les proches des victimes, soutenus par des associations de parents d'élèves, organisent une réunion autour de la mairie du 19e arrondissement. Au cours de cette manifestation, un parent d'élève prend la parole et lit la rédaction d'une élève du collège Payron. Une lecture qui renforce les soupçons. Je citerai mon CES, c'est une école préfabriquée. C'est beau, mais ça ne tient pas. Un peu trop de vent, le plafond en carton perforé se soulève. Le sol de la cour se fend en deux. On croirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Ce n'est vraiment pas rassurant. Dans toutes les classes, il n'y a que des affiches collées au mur qui vous précisent l'évacuation en cas d'incendie, le fonctionnement des bouteilles et lequel escalier prendre. Elle dit encore « Je crois que le mieux à dire des écoles en carton, je n'appelle pas ça du modernisme, rien de tel que les vieilles écoles, c'est triste, mais au moins ça tient le coup, on risque sa peau tous les jours dans mon CES. Est-ce que ça n'appelle pas une manifestation immédiate ?» Saisissant de paroles, on commence alors à se renseigner sur le collège Payron. Construit en 1969, il est typique de ces établissements modernes bâtis pendant les années 60. Car à l'époque, il fallait aller vite. Avec l'arrivée massive des enfants du baby-boom en âge d'intégrer le secondaire, avec la réforme du gouvernement Pompidou de 1963 qui prolonge de 14 à 16 ans la scolarité obligatoire, il faut accueillir de plus en plus d'élèves. L'époque est à l'industrialisation, on construit beaucoup, vite et à moindre frais. Alors l'État simplifie les contraintes administratives, abaisse les normes de sécurité et accélère les mises en chantier. D'ailleurs, le slogan de l'époque affiche l'ambition. C'est le temps du « un collège ouvert par jour ». Force est de constater que ça fonctionne, puisque de 1964 à 1975, plus de 2350 collèges sont construits dans toute la France. Payron est de cela. Pour sa construction, c'est un système industriel anglais qui était retenu. Dénommé le CLASP, bâtiment préfabriqué et modulable, constitué d'acier et de poutres revêtues d'amiante, les cloisons intérieures sont faites de ciment et de bois agglomérés. C'est cette structure métallique qui s'est pliée dans l'incendie, justement. Du côté du ministère de l'Éducation, on se défend. Après le drame, on rappelle que ce système est utilisé en Angleterre depuis 20 ans, que la commission de sécurité avait visité le collège Payron un an auparavant, et puis que les aménagements demandés ont été exécutés. Une réponse qui ne convainc pas non plus du côté des familles victimes. Alors, elles se constituent en association et décident de se porter partie civile. Le soupçon ne s'est pas dissipé, d'autant qu'on apprend vite que la société qui a bâti Payron est une filiale de l'entreprise anglaise Brockhaus. Or, en Angleterre, le Sunday Times indique, quelques jours après l'incendie, que des sinistres comparables ont sévi outre-Manche. Le samedi 10 février, quatre jours seulement après la tragédie, les familles des victimes sont profondément choquées lorsqu'elles voient des bulldozers arriver rue Édouard Payron pour emporter les vestiges du collège. En voyant ça, les habitants du quartier, spontanément, se regroupent et forment une chaîne humaine pour empêcher les machines d'avancer. L'association de victimes alerte le juge d'instruction qui fait arrêter l'intervention. Point de départ d'une lutte entre l'association et l'État. Cet événement est éclipsé par une nouvelle qui survient le même jour. Le commissaire Roger Bouit, en charge de l'enquête, organise une conférence de presse au 36 quai des Orfèvres. Dès hier matin, nous avions parmi d'autres une piste plus sérieuse, à la suite de révélations que nous ont fait des témoins. Et dans la journée, nous avons donc suivi cette piste en convoquant des élèves du CES, qui petit à petit ont reconnu certains faits commis par leurs camarades, par deux de leurs camarades notamment. Ces deux camarades ont été entendus et l'un a avoué être allé avec l'autre acheter de l'essence, ou plutôt du white spirit, dans une quincaillerie. L'auteur principal a avoué en milieu d'après-midi. Il a versé ces deux bouteilles dans une corbeille à papier et il a mis le feu à l'aide d'une allumette. Monsieur, savait-il qu'il y avait quelques-uns de ses camarades en haut ? Tout nous porte à croire qu'il était difficile pour ces jeunes gens de le savoir. Alors, pourquoi, selon vous, monsieur ? Les motifs, je pense que c'est une vengeance vis-à-vis de la direction qui avait réprimandé le jeune garçon et aussi peut-être une fanfaronnade auprès de ses camarades. Vous les avez longuement interrogés, monsieur. Quel est leur comportement ? Je ne suis pas médecin. Je peux dire que ce sont des garçons apparemment intelligents, ne paraissant pas atteints de troubles quelconques. La nouvelle saisit la France entière dans un mélange de stupeur et d'effroi. Les victimes sont des enfants, des élèves de 4e, de 15 à 14 ans, inimaginables. Les enquêteurs mettent peu de temps à retrouver les coupables. C'est en suivant la trace d'un certain Marc Robert, disparu depuis plusieurs jours alors qu'il était au ciné-club le soir de l'incendie, qu'il retrouve les incendiaires. Marc était avec eux. Quelques jours plus tard, les journalistes le retrouvent. Il est finalement rentré chez lui et il témoigne de l'attitude de Patrick ce soir-là. Le soir de l'incendie, j'étais devant la grille du CES et j'ai vu l'incendie se propager. Alors on a tous été pris de panique. Patrick m'a invité d'aller chez lui. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 jours, 5 jours? Je regardais la télé, j'allais me promener. T'as vu un peu les titres des journaux? Non, on a pas vu de journaux. T'avais pas envie parfois d'aller voir tes parents, leur dire que tu étais là? Si. Tu l'as pas fait? Non. En quelles circonstances est-ce que tu as su qu'il en allait mettre le feu au collège? Je marchais dans la cour avec mon camarade quand Patrick est venu se joindre à nous et nous a annoncé la nouvelle. Nous, on croyait que c'était de la blague, quoi. C'est ça, comme d'habitude. Puis le lendemain, on a été à la sortie du ciné-club et il l'avait fait. Et là, tu as vu des flammes, tu as vu le collège brûler. Et là, tu t'es enfui. Oui. Tu t'es enfui pourquoi? Parce que je croyais qu'on allait me prendre pour leur complice, tout ça. Et alors, tu es allé chez ces gens-là? Oui. Comment des enfants n'arrivent-ils à pouvoir mettre le feu à un collège? Immédiatement, deux camps se font face. C'est Christian Fouché, député UDR, ancien ministre de l'Intérieur en mai 68, qui lance les hostilités. Dans une tribune, il s'indigne. « Voilà où mène l'absence d'élévation morale, dit-il, l'abdication des adultes, le déferlement de la violence et de la pornographie. » Selon lui, planent au-dessus de ce geste fou les événements de mai 68 et ses dérives. Dans la foulée, Michel Poniatowski lui emboîte le pas. « Je suis père de 4 enfants et en apprenant cet incendie, j'étais effondré en pensant aux autres parents. Et puis samedi, j'étais effondré en apprenant qui étaient les responsables. Et je crois que ce problème nous amène surtout à nous poser des questions. D'abord sur le milieu de violence, de culture de la violence, que ce soit le cinéma, les journaux, dans lequel on entretient les jeunes. Et l'école devrait être l'endroit où l'on apprend un peu d'ordre, un minimum d'autorité, et ce qui va à l'encontre de ce besoin est dangereux. Par exemple, ces associations qui contestent systématiquement l'autorité, quelle qu'elle soit. Ces groupuscules qui diffusent des tracts de violence ou des tracts dits d'éducation sexuelle, qui sont souvent des appels au viol tout simple. Par conséquent, je crois que ceux qui sont responsables de ce milieu culturel, eh bien, doivent prendre conscience de la responsabilité de leurs actes, eux aussi. Cet homme-là deviendra un peu plus tard le ministre de l'Intérieur de Valéry Giscard d'Estaing. En face, on réagit. Des groupes anarchistes distribuent des tracts pour demander la libération des 2 enfants. Des élèves de certains lycées défilent pour soutenir les 2 coupables. Des professeurs, des philosophes, des sociologues publient des tribunes ou des articles pour mettre en cause l'institution scolaire. Il faudrait voir le geste du jeune Patrick comme celui d'une révolte face à l'institution républicaine. On s'interroge sur la raison avancée par Robert. Pourquoi, comment un enfant peut-il en arriver à mettre le feu à un collège par vengeance? Et puis où sont les parents? Que font les professeurs? À la radio, à la télé, dans les journaux, on s'interroge, on mobilise les psys pour essayer de comprendre. Parmi eux, le psychiatre, spécialiste de l'enfance, Pierre Bensoussan. Au-delà de ces flammes horribles, au-delà de ces victimes innocentes et de la douleur de leurs parents, au-delà même de ces coupables imberbes que l'on va juger demain probablement, nous qui nous prétendons, à tort ou à raison, je n'en sais rien, innocents, est-ce que nous ne devons pas nous poser la question, quelle part avons-nous dans ce qui s'est passé? Toute société, et nous en sommes une, a les enfants qu'elle mérite. Cette génération qui monte et qui sera demain celle qui prendra pour vous et pour moi les décisions, comment la comprendre et surtout comment la soutenir? Le 15 février 1973, à Paris, tous ces débats paraissent bien loin. Au moment où les familles, accompagnées des voisins, des enseignants, des camarades, se rendent aux obsèques des victimes de l'incendie. Dans le 19e arrondissement, de nombreux collèges ferment leurs portes. Une journée de deuil est décrétée dans ceux qui accueillent les élèves du collège Payron. Éloignés par décence, le temps d'une journée, les débats reprennent. La rancœur est toujours là, prégnante. On voit dans ces polémiques stériles une manière d'éloigner le problème de fond. Oui, ces deux enfants sont coupables, mais ils ne sont pas responsables de la structure défaillante, du bâtiment. Ils n'ont pas choisi le modèle anglais. Et ça, les familles des victimes ont décidé de ne pas laisser passer. Une bataille juridique et politique de longue haleine va donc s'ouvrir. Avait 7 ans. C'était un garçon. Il s'appelait Hugues. Il s'appelait Jean-Michel. Il aurait eu 10 ans au mois de mars. J'ai perdu Jeanne qui avait 9 ans. Elle était professeure au CES. Elle avait 34 ans. Et elle s'appelait Michel. Elle avait 9 ans. Elle s'appelait Christine. Le 6 février 1973, la vie des gens que vous venez d'entendre a basculé pour toujours. Ce jour-là, ils ont perdu une fille, un fils, leur femme ou leur mari dans l'incendie du collège Payron. Parmi eux, Jean-Max Causse, le père de Christine. Le soir du drame, un ami devait ramener sa fille. Elle ne rentrera jamais. Après s'être précipité au collège, avoir cherché pendant des heures dans le parc des Buttes-Chaumont ou dans les hôpitaux du quartier, il apprendra le lendemain qu'elle fait partie des 20 victimes. Comme une réponse à la douleur, il décide d'agir immédiatement. Avec les autres familles, il fonde une association et se rend chez le juge d'instruction Jean Sablérol, en charge de l'affaire. Face aux premières réactions des autorités publiques, les plaignants craignent que l'enquête soit enterrée. Le juge les écoute et il leur promet de tout mettre en œuvre pour que le dossier soit traité tout à fait normalement. Il leur accorde même le droit de visiter les ruines du collège, muni d'une caméra. Jean-Max Causse filme donc les décombres. Il le sait, ces images pourront constituer des preuves. Après l'arrestation des deux coupables, la volonté des proches des victimes est décuplée. Pour eux, les responsables sont du côté des pouvoirs publics. Ils commencent alors à se renseigner, à accumuler de la documentation sur les principes de construction, les normes de sécurité, les matériaux utilisés et sur cette entreprise anglaise qui a inventé le modèle de fabrication. Quelques mois après le drame, ils se servent des rushs et y ajoutent un commentaire pour dénoncer les manquements du gouvernement. Jean-Max Causse est directeur des cinémas parisiens Action. Le film y est donc projeté le 15 janvier 1974, presque un an après la tragédie. La caractéristique principale de l'incendie du CES Pailleron est la rapidité extrême de propagation du sinistre. Le premier foyer est tout de suite un deuxième foyer à l'opposé du bâtiment. Les vides horizontaux et verticaux communiquaient entre eux à chaque niveau, ce qui permit la propagation du feu d'étage à étage et ce qui constituait une énorme cheminée à tirage multiple. La structure du bâtiment était réalisée par des poutrelles d'acier qui n'étaient protégées par des panneaux d'amiante que dans les parties visibles, c'est-à-dire en dessous du faux plafond. À l'intérieur des faux plafonds se trouvaient les fils électriques sans protection, ainsi que les canalisations de gaz au mépris de tout règlement. La sécurité était négligée. Ce film renforce une lutte qui dure déjà depuis un an. Pour l'association, c'est clair, c'est le système de construction des collèges qui est en cause. Pour preuve, ils ont le rapport des cinq experts nommés par le juge Sablerol, qui dès l'été 73 met en cause l'infrastructure du collège Pailleron. Les conclusions du rapport sont sans appel, les procédés de construction ne correspondent pas aux exigences de prévention des incendies. Le rapport met en cause les promoteurs, l'architecte, mais aussi la direction des équipements scolaires, universitaires et sportifs qui dépendent du ministère de l'Éducation. Enfin, il pointe l'allègement des normes de sécurité, notamment la durée de résistance au feu, normalement fixée à 30 minutes, et abaissée à 15, oui 15, pour le collège Pailleron. Avec leur film sous le bras, les membres de l'association parcourent la France pour le diffuser dans les collèges du même type que Pailleron, dont on recense 56 exemples dans toute la France. D'ailleurs, quelques mois seulement après l'incendie, d'autres établissements prennent feu, sans faire de victimes, heureusement. Pailleron n'était donc pas un fait isolé, c'est le premier d'une série qui met en lumière les insuffisances des établissements français. Face à ces actions multiples, Jean Fontanet, le ministre de l'Éducation, réagit par communiqué. Il accuse l'association de véhiculer des contre-vérités et surtout il politise la lutte, dénonçant l'appartenance de l'un des avocats des familles au Parti communiste. Finalement, Jean Sablerol, le juge, décide d'inculper 9 personnes, des hauts responsables de l'État et des constructeurs. Pour autant, les familles des victimes le sentent, les autorités publiques tentent de se protéger coûte que coûte. L'instruction prend du temps. Les années passent et les blocages sont nombreux. Cette situation se cristallise notamment autour de la publication d'un rapport rédigé par le Sénat. Après le drame de Pailleron, une commission sénatoriale se voit en effet confier la mission de rédiger un rapport sur les possibles responsabilités et dysfonctionnements de l'État. Après plusieurs années de travail, ce rapport est finalisé et pourtant il n'est pas rendu public. Les journalistes commencent à enquêter et on vend des conclusions réelles du Sénat qui révèlent en fait de nombreux manquements et des erreurs dans la politique de construction des années 60. L'État en est le principal responsable. Pour les familles, ce rapport est essentiel. Il pourrait justifier leurs revendications. Un procès unique. Oui, de façon à ce que les deux jeunes incendiaires et les responsables publics soient jugés en même temps. Pourtant, et malgré leur insistance, les deux reports du procès des mineurs, les deux affaires seront bien séparées devant les tribunaux. Ainsi, le 5 octobre 1977 s'ouvre le procès de Patrick et Marc au tribunal pour enfants de Paris. Les proches des victimes sont présents, comme cette mère. Ils répètent leur colère de voir ce procès dégroupé de celui des pouvoirs publics. Quel est l'enfant qui ne joue pas avec de l'eau? Quel est l'enfant qui ne joue pas avec le feu? Tout enfant peut foutre le feu, même un enfant qui est très bien élevé, qui a 4 ans. Et d'après ce qu'on avait compris, ces enfants-là, ce n'étaient pas des enfants de la rue. Vous ne leur en voulez pas, donc? Et pourtant, vous avez perdu votre petit garçon dans cette catastrophe. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je leur en veux, mais enfin, si vous voulez, nous, c'est une croix qu'on va continuer à porter tout le temps. Vous pensez que le véritable procès, au cours duquel on pourra véritablement vous rendre justice, sera celui des adultes? Ah, ça, il n'y a pas de question, ça, il n'y a pas de question. Mais comment va-t-il être mené? Ça, c'est un gros problème. Et moi, j'essaye d'être très vigilant, d'être très au courant, de relire tout pour le moment et de suivre ça de très près. Pour marquer leur désaccord, les avocats des familles décident de ne pas plaider au procès des deux jeunes mineurs. Ces derniers seront finalement condamnés à 4 5 ans de prison avec sursis. Leurs parents sont reconnus civilement responsables et doivent s'acquitter des indemnités aux familles. Quelques semaines après, les mineurs, le 17 novembre 1977, c'est au tour des responsables des constructions scolaires de se présenter devant la 16e chambre correctionnelle de Paris. Les 9 inculpés appartiennent au privé et au public. On y trouve un architecte, des entrepreneurs et surtout des hauts fonctionnaires. Et ça, c'est une grande victoire pour les familles de victimes. Parmi les 9 accusés, un homme est particulièrement exposé. Jean Reynaud, le directeur de la DESUS, la Direction des équipements scolaires, universitaires et sportifs. En 1965, c'est lui qui s'est rendu en Angleterre pour rencontrer les dirigeants de la société Brockhouse, promoteur du système CLASP, à l'origine de la construction du collège Payron. Et c'est lui qui a choisi. Devant les caméras, il nie pourtant toute responsabilité dans cette affaire. J'ai été bouleversé, je le suis et je vous le dis. Comme je le disais tout à l'heure, d'abord en tant que père de famille, bien sûr, en tant que fonctionnaire du ministère de l'Éducation, et à ce dernier titre, je n'ai pas conscience, et je sais que je ne suis pas responsable, du drame qui a été déclenché par cet incendie. Je crois que c'est vous, monsieur le conseiller, qui aviez choisi ce type de construction. J'étais à l'époque responsable au ministère de l'Éducation nationale. Je ne peux pas vous répondre d'une manière précise à la question que vous posez, parce que les procédures sont complexes, que les choses sont difficiles, ne sont pas simples. Mais comprenez aussi, et je vous prie de m'en excuser, que je ne peux pas, aujourd'hui, ici et à cette heure, dans ces circonstances, vous en dire plus, car ce serait anticipé sur ce que je dois au magistrat instructeur. Au cours du procès, le film réalisé par l'association est projeté. Le premier rapport de l'enquête administrative, réalisé par les 5 experts et à la demande du juge, sert de socle pour l'accusation. À plusieurs reprises, les avocats des accusés tenteront de discréditer certains experts, sans succès. Après 7 semaines de délibération, le tribunal prononce 5 peines de prison avec sursis et 4 relax. Jean Reynaud, présenté comme l'un des principaux responsables, écope de 12 mois de prison avec sursis pour imprudence et négligence. Jean Reynaud et les autres condamnés seront finalement amnistiés parce que les faits sont antérieurs à la dernière élection présidentielle. À l'issue du verdict, les familles des victimes expriment leurs sentiments par une formule lapidaire. Ils considèrent le jugement relativement sévère dans ses attendus, indulgent dans ses conclusions. Mais pour les familles victimes, après 4 années de lutte intense, la victoire est là. Elles ont réussi à faire condamner des hauts fonctionnaires, à mettre des noms au sein de l'institution publique sur les responsables du drame de Payron. Cette lutte dépassera le cadre de cette tragédie qui a fait 20 victimes un soir de février 1973. Grâce à leur action, en effet, des règlements stricts ont été mis en place. Les bâtiments scolaires de type Payron ont été fermés ou remis aux normes. Il en reste pourtant encore quelques-uns à travers la France. La stèle du 33 rue Édouard Payron, en hommage aux victimes de l'incendie du 6 février 1973, est là pour rappeler, avec force, que l'école est un sanctuaire qu'on doit protéger de tout, par définition. Entre autres, il ne doit jamais tomber sous le coup des impératifs économiques. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay. Forever. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'incendie dramatique du collège Payron. Notre invité, Sibi Vincendon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération dans le cadre de notre partenariat avec ce quotidien. Tous les 15 jours, alors il arrive à nos auditeurs de se dire, tiens, cette histoire-là, je n'en ai entendu parler, je sais plus ce que c'est ou j'en ai pas entendu parler. Mais Payron, tout le monde s'en souvient parce que ça a des résonances énormes. D'abord parce que le drame est absolument frappant. Des gosses qui périssent, qui meurent dans un incendie. Et puis, ça a donné lieu à de vrais changements, à une prise de, oui, de conscience. Alors, c'est épouvantable qu'il fallait passer par ce drame. Mais les résonances sont très fortes. Hein. Même si ça n'a rien à voir, par exemple, on parle de certaines installations chimiques, on dit de type Céveso. On a continué à dire de type Payron pour certaines constructions. On dit un Payron, et quand on dit un Payron, ça n'est pas un compliment, effectivement. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est à quel point elle a été le point de départ de beaucoup de choses, à la fois en termes réglementaires. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui, c'était incroyable les explications, enfin ce que vous avez décrit de la propagation de l'incendie. Aujourd'hui, on ne fait pas tous les appels d'air entre les faux plafonds, les cheminées, enfin on cloisonne, on ferme. L'histoire des poutres aciers aussi. Alors il se trouve qu'en France, on est un pays de béton, manque de chance pour cette commande de collège en gros, si j'ose dire. On est passé par la construction acier. Et c'est vrai que la construction acier, vous l'avez vu lors de l'écroulement des Twin Towers, ben la construction acier, quand ça chauffe trop, elle fond et elle tombe. Et c'est véritablement ce qui s'est produit, mais infiniment plus vite, avec Payron. Et c'est pareil sur l'histoire de la propagation des flammes d'un étage à l'autre. Aujourd'hui, c'est une très très grande vigilance des pompiers, ça, qui veulent que le feu reste circonscrit dans un niveau et ne puisse surtout pas faire l'escalade sur les autres. Et on a beaucoup appris à partir de ça. On a dramatiquement appris, mais on l'a fait. Néanmoins, y compris d'ailleurs sur l'histoire du temps de la résistance au feu, c'est-à-dire que même des rideaux dans un collège ou dans un lycée aujourd'hui, ils doivent avoir un certain coefficient de résistance au feu. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est que on est aussi dans un début sur l'action de la population, l'action des citoyens, l'action des gens concernés. L'opiniâtreté des familles à cette époque, c'est remarquable, quoi. C'est d'autant plus remarquable que... Ça a servi d'exemple, vous pensez? Ben, je pense que ça a ouvert un précédent. Leur chance, si j'ose dire, dans leur malheur, c'est d'être tombé sur ce juge d'instruction qui était bien décidé, qui était en fin de carrière, je crois, et qui était décidé à mener ça à bien parce qu'il avait absolument rien à perdre. Et il faut voir ce qu'était la puissance des pouvoirs publics et des politiques à l'époque, quoi. On est aussi dans une époque où la radio, la télé, c'est contrôlé, les médias, c'est pas si évident. Il y a un manque de contre-pouvoir, évident. Ouais. Évident. Et là, ces gens s'accrochent et en fait, ils vont ouvrir la voie vers une action comme ça des citoyens qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres choses depuis, que ce soit sur les marées noires, que ce soit, enfin bref, sur tous les dommages qu'il peut y avoir, y compris d'ailleurs sur ces vaisseaux en Italie, etc. Et vraiment, il faut admirer le courage qu'ils ont eu, même s'ils n'ont pas eu des résultats, comment dire, judiciaires très probants. Mais oui, enfin, mais la reconnaissance quand même de la responsabilité, oui, d'avoir ramené de la technostructure, de ceux qui prennent des décisions, donc irresponsables, on le voit. Ça quand même, c'est une victoire. Oui, c'est victoire. Absolument une victoire. Et c'est une victoire qui, à mon avis, va s'étendre à toutes les instances de ce genre. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, l'exemple qui me venait à l'esprit, c'est les marées noires. On a eu les RICAT. Total a dit le bateau ne m'appartient pas, n'empêche que Total a été condamné in fine parce que le pétrole lui appartenait. Voilà. Donc une affaire aux puissantes résonances. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces débats surréalistes, politiques qu'on a entendus, là, ces deux ministres qui ont diffusé des idées quand même assez toxiques en disant voilà où va la permissivité de 68. C'est-à-dire, mais 68, en gros, ça permet à des gamins de foutre le feu et de tuer des gens. Enfin, c'est complètement fou. Ce qui est affreux, c'est que les circonstances sont dramatiques et malgré tout, quand on les entend, on a envie de ricaner parce que c'est tellement marqué par une époque. Aujourd'hui, c'est vrai que si on a un môme qui met le feu, je vais prendre un exemple récent. Il y a un hôtel qui était un hôtel dans lequel habitaient des gens qui sont placés là par la préfecture parce qu'il n'y a pas de logement. Donc, c'est vraiment. C'était un hôtel très dégradé qui était dans le 9e, le Paris Opéra. Le feu a été mis par une jeune fille, disons, qui a fait l'idiote avec une bougie, avec un. Voilà. Et ben, il y a eu je ne sais plus combien de morts au Paris Opéra parce que c'était un bâtiment très vétuste et qu'il a pris feu, pareil, comme une cheminée. Mais est-ce que plus personne ne s'est interrogé sur la psychologie des parents de la jeune fille en question ou sur la façon dont elle avait été élevée? C'est vraiment une autre époque. Sybille Vincendon, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à regarder les résonances de cette affaire qui remonte pourtant à 1973. À tout à l'heure. Avec vous, Sybille Vincendon. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire, le partenaire d'Affaires Sensibles tous les 15 jours, que nous parlons aujourd'hui de l'incendie dramatique du collège Paillerons. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de la nécessité de construction, on l'a dit, les enfants du baby-boom, il faut de la place, donc on construit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de confiance dans le progrès, un sentiment de sécurité face aux nouveaux matériaux, parce qu'on est dans les années 70, qui sont encore les années de la croissance croissance, hein, on n'est pas encore, même pas dans le premier choc pétrolier, ça va arriver, mais on est là-dedans avec un État fort, un État qui a de l'argent. Il y a une espèce comme ça de confiance dans le progrès, ça a pu jouer? Je ne sais pas si ça a pu jouer. Je pense qu'ils étaient plutôt pressés, à vrai dire. Ils voulaient faire de la quantité et en faire très vite. Vous remarquerez que c'est une question qui revient un peu sur le tapis aujourd'hui avec le logement, où quand on regarde les propositions un peu innovantes qui sont faites, en particulier autour de logements avec des containers, avec des choses comme ça. Mais je pense que même si on essaie de jouer la quantité aujourd'hui, on la jouera pas au prix de la sécurité. C'est trop important. Et aujourd'hui, le débat, il est plutôt sur les normes. Et alors, c'est drôle de voir que chez les professionnels, les archis, les constructeurs, il y a un gros débat sur les normes. Est-ce qu'on n'a pas trop de normes? Est-ce qu'on n'applique pas d'une manière trop systématique le principe de précaution? Et puis, et il est vrai qu'il y a des normes stupides, hein, en matière de construction. Ne pas avoir le droit d'ouvrir une porte de toilette sur le salon ou sur l'entrée parce qu'il faut avoir un sas ou bien un lave-main dans les toilettes, c'est franchement pas essentiel. En revanche, les normes de sécurité, le fait qu'elles soient très intraitables et qu'en France, les pompiers, tous les services, les pompiers sont dans toutes les commissions de sécurité et ils sont intraitables là-dessus. Et je pense qu'ils ont raison. Mais néanmoins, à l'époque, c'est vraiment la nécessité d'aller vite et de faire beaucoup qui les a motivés. Ça, j'en suis absolument persuadée. À moins que quelqu'un ait pris dans la caisse, mais ça, on n'en a jamais entendu parler. Oui, et puis ce serait un autre débat. Une autre histoire. Alors, mais quand on a construit beaucoup de lycées en Île-de-France, après la décentralisation, les lycées sont très bien, mais les pots de vin ont été très gros. Bon, alors, revenons quand même au cœur de notre sujet. Quand vous parlez des normes, aujourd'hui, quand on construit un collège ou un lycée, qu'est-ce qui a changé? Les matériaux sont différents, les procédures de sécurité? Tous les matériaux en France utilisés, surtout dans des bâtiments publics, sont testés par le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment, et qui donne un agrément. Mmh. Autrement dit, si moi je mets au point, je sais pas quoi, un isolant magique et que je le mets sur le marché, en réalité, les constructeurs ne peuvent pas s'en servir s'il n'y a pas l'agrément. Donc je pense que ça fait quand même un filet de sécurité qui n'est pas mauvais. Alors, on va écouter une archive ensemble. On va voir que les collèges de type Payron ont continué à rythmer l'actualité bien après 1973. Et dans l'archive que nous allons écouter, nous sommes en mai 1999. L'incendie extrêmement rapide d'un collège à Royan dimanche provoque de très vives inquiétudes dans les milieux de parents d'élèves ou d'enseignants en Charente-Maritime. Le collège a été bâti selon le type Payron et on se souvient du drame survenu il y a 26 ans dans un établissement similaire. Et or, il reste beaucoup de collèges type Payron aussi peu sûrs en France. Enquête à Royan, François Privat et Philippe Ritten. En moins d'une demi-heure, la totalité de ce collège de type Payron s'est embrasée. Heureusement, l'incendie s'est déroulé dimanche matin. Il n'a fait aucune victime. Les 800 élèves étaient en week-end. Quand vous voyez ces ruines, vous pensez à quoi? Je pense à mes élèves qui, je ne sais pas s'ils auraient pu sortir si le feu avait été pris pendant les heures de cours. L'incendie de Royan soulève à nouveau les questions de sécurité dans de telles structures, comme ce collège de Marennes, distant de quelques kilomètres. Il doit être prochainement rénové. Ce qui s'est passé dimanche nous fait bien sûr nous interroger. Je suis là pour témoigner, disons, de l'émotion ressentie. Ce qu'on demande à l'heure actuelle maintenant, ce serait une reconstruction de tous ces collèges à ossature métallique, parce que finalement, malheureusement, l'actualité démontre qu'on ne peut pas leur faire confiance. Depuis 1986 et la loi de décentralisation, ce sont les conseils généraux et régionaux qui financent respectivement collèges et lycées. Des budgets lourds. Construire un collège pour 800 élèves coûte entre 60 et 80 millions de francs. La procédure de rénovation ou de construction d'un collège, c'est 2 ans. Donc c'est minimum. Peut-être trop long, non? Hein, on ne peut pas raccourcir les délais puisque vous avez le code des marchés publics qui vous impose des contraintes. Il faut les respecter. 26 ans après Payron, les choses avancent lentement. C'est seulement depuis 1994 que les pouvoirs publics ont investi 14 milliards de francs pour la sécurité dans les établissements à risque. Chose insuffisante pour de nombreuses associations. Il faut en finir une fois pour toutes, être tranquille, construire en dur des bâtiments qui remplacent ces bâtiments et qu'on n'en parle enfin plus et qu'on ne se retrouve pas l'année prochaine avec un nouvel incendie. Solution retenue ici à Rochefort, où le vieux collège Émile Zola de type Payron cédera sa place dès la rentrée à de nouveaux bâtiments flambant neufs. Coût de l'opération 65 millions de francs, le prix de la sécurité. Sybille Vincent, donc, qu'est-ce que ça vous inspire, tout cela? Ça m'inspire qu'en 99, les départements sont déjà à la manœuvre pour les collèges depuis longtemps, qu'à l'époque, il n'y a pas de dotation, de baisse des dotations globales de fonctionnement. Ils ont de l'argent et je ne comprends pas pourquoi ils ne les reconstruisent pas. La preuve, c'est que de toute façon, il y en a. Il citait l'exemple à côté d'un autre collège qui a été reconstruit. Et c'est vrai qu'on ne peut peut-être pas construire tous les collèges d'un seul coup, mais 2 ans de délai, ben, il faut les prendre et il faut faire le collège. Voilà. Donc je suis très étonnée qu'en 99, les Charentes-Maritimes, je ne sais pas qui présidait le Conseil Général à l'époque, est encore ça sur le tapis, parce que les collèges ont été un de leurs premiers chantiers dans la décentralisation. 86. Le financement et la gestion des collèges, c'est bien les départements. Oui, ce sont les départements. Les lycées, c'est la région, c'est ça? Les lycées, c'est la région, et les écoles primaires et maternelles, ce sont les communes. Bon, alors on sait que les collectivités locales, et malgré la réforme récente, la réforme territoriale récente, manque quand même de moyens, notamment les conseils régionaux, hein, à qui on donne des missions importantes, notamment de booster l'économie, mais qui n'ont pas les recettes fiscales pour suivre. Bon, alors je ne sais pas comment ça se passe pour le coup dans les départements par rapport aux collèges, mais est-ce que le fait que l'État soit désengagé, ça peut constituer un risque supplémentaire? Je pense pas, parce que l'État était très négligent et très en retard. C'est-à-dire que l'État, c'est une structure qui soit laisse tomber les choses et les laisse à l'abandon. Alors, je ne sais pas, vous, quand vous étiez au lycée, combien de fois on repeignait les salles. Moi, le lycée dans lequel j'allais, c'était une fois tous les 20 ans, à peu près. Oui, c'est pareil. Voilà. Ouais. Et puis, l'État, quand il voit qu'il y a une urgence, il fait une bêtise comme la commande des collèges Payron, pour rattraper le temps perdu. Donc finalement, la décentralisation, ça permet quand même de prendre des décisions beaucoup plus tranquilles. Et quand il y a des gros besoins, on peut voir en Seine-Saint-Denis ce qui s'est passé. Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes, beaucoup de collégiens. Et c'est un département qui n'a pas tant d'argent que ça et beaucoup de charges sociales, et qui a pris la décision de faire des collèges. Ils ont fait tout un lot de collèges en partenariat public-privé, en essayant d'encadrer cette procédure qui peut être assez dangereuse pour les finances publiques. Ils l'ont encadré au maximum. Il n'empêche qu'en 3 ans, ils ont ouvert une 20aine de collèges. Alors, toute dernière chose, c'est peut-être une piste, après le drame du collège Payron, la place de l'architecte dans le processus de construction sera déterminante. Quelques années plus tard, en 81, Alain Savary, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, a rendu les concours d'architecte obligatoires avec un rôle central. C'est ça peut-être qui a manqué dans les constructions Payron, l'architecte comme au centre de la construction. Toute la construction industrialisée de la reconstruction puis des Trente Glorieuses, certes, il y a des architectes, mais enfin, c'est du produit de grande série quand même. L'architecte n'est pas du tout au centre de la construction. Aujourd'hui, il y est, et il y est même juridiquement, à vrai dire, parce qu'il est mandataire et qu'il est engagé si jamais il devait y avoir des poursuites judiciaires. Eh bien, ce sera le dernier mot, Sylvie Vincent Dhon. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'incendie du collège Payron, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les événements d'Aléria en 1975 qui marquent le début des troubles nationalistes en Corse.